Le comité central de la Fédération générale des scientifiques et techniciens de Corée a organisé du 28 au 31 août un exposé technoscientifique en faveur de la normalisation de la production dans les mines et entreprises du district de Dancheon. À l'exposé tenu à la direction générale minière du district de Dancheon, ont pris part les scientifiques, techniciens, enseignants et membres de groupes de promotion des trois révolutions de différentes unités d'activité, y compris l'Institut central de l'exploitation minière près l'Académie nationale des sciences. Plus de 300 dissertations sur des réalisations et expériences obtenues dans la modernisation, l'informatisation et la normalisation de production dans les mines et entreprises ont été présentées à l'exposé, divisées en branches de l'industrie minière, des métaux non ferreux et des objets réfractaires.